Chapitre 10e, brebis galeuse. Le soir même, Karim est chez son ange gardien. Il raconte l'aveu de Zara sur son passé et l'entrevue au commissariat. Si la fille demeure songeur, après un long moment. « Et toi, dit-il à Karim, que penses-tu de tout ça ?»« Que désormais je suis sur la liste des brebis galeuses. Je dois faire attention à mes actions, en particulier au syndicat et ici concernant le nettoyage collectif. » Et comment faire attention ? Devant le silence de son jeune ami, le vieillard rajoute « Au syndicat, as-tu des amis sur lesquels tu peux compter ? Deux ou trois ? Plus exactement, une collègue médecin. Connaissez-vous un avocat compétent et courageux ? Non, tu as raison. Il faut absolument qu'on en trouve un. Et ta section syndicale a-t-elle des relations de réelle solidarité avec d'autres sections syndicales ? Pas suffisamment, à mon avis. Concernant ta mère et Zara, si par hasard on te met en cage pour un certain moment, ne t'inquiète pas trop. Je m'occuperai aussi bien d'elle que de toi. Merci. Le portable de Karim sonne. Il le prend, puis écoute. Brusquement, son visage s'assombrit. « Attends une minute, » dit-il au téléphone. Il se tourne vers son hôte. « C'est Zara. Elle a un problème. Puis-je lui dire de venir ici ? J'aimerais beaucoup que vous vous connaissiez. »« D'accord. » Karim s'adresse à Zara. « Est-ce que tu es libre en ce moment ?» Alors monte au dernier étage, le tout dernier. Je t'attendrai devant l'ascenseur. Au moment où Karim le fait entrer dans l'appartement de Silafid, elle s'arrête dans le couloir donnant sur le petit salon. Elle est intimidée et impressionnée par la vue de la quantité de livres sur les étagères et sur le bureau de travail. « Bienvenue, » lui dit le vieil homme, debout en face d'elle et très affable. « Je voulais, » dit Karim à Zara, « te faire connaître mon meilleur ami et qu'il te connaisse. » Silafid s'émerveille sans s'étonner en déclarant « Habiter le même immeuble depuis tellement d'années en s'ignorant les uns les autres. Dans le lointain passé, ce n'était pas ainsi. » Il invite le couple. « Asseyons-nous. » Il se met sur un fauteuil. Les deux autres occupent le divan. Pour aider la nouvelle venue à surmonter sa gêne, Silafid lui dit « Mes plus heureuses félicitations pour toi et Karim. » Les joues de Zara prennent la couleur des cerises les plus rouges. Elle se tourne vers Karim, interrogative. Il confirme. Je l'ai informé de notre projet de mariage. Zara baisse la tête, par pudeur. Le vieillard, encore une fois, va au secours de sa voisine pour la mettre à son aise. C'est un très bel événement, s'exclame-t-il. Nous avons à nous en réjouir. Pour mettre davantage à l'aise la jeune fiancée, il imite en plaisantant à voix basse le you-you féminin annonçant un mariage. Zara se détend en esquissant un timide sourire. Silafid, très enchantée, contemple les deux futurs époux. Ah ça, les enfants, vous m'avez donné une très belle nouvelle. Et ce serait pour quand, la fête ? Le couple se consulte du regard, puis Karim répond « Nous n'avons encore rien fixé. » Il se tourne vers Zara. « À propos, tu voulais me dire quelque chose, tu étais très inquiète au téléphone. Tu peux parler devant Silafid, je n'ai pas de secret pour lui. » Aussitôt, Zara déclare avec angoisse « Mon jeune frère, celui de 17 ans, voilà une heure ce soir, j'étais à la fenêtre de notre appartement qui donne sur l'extérieur. Dehors, près d'elle, j'ai entendu mon frère parler à voix basse avec un autre. Mon frère demanda « Combien ?» L'autre répondit « Je te le dirai quand tu décideras vraiment de partir. » Quand mon frère est rentré à la maison, immédiatement, je lui ai dit avoir entendu la conversation, puis je lui ai demandé où il voulait partir. Il m'a regardé sans répondre. J'ai insisté pour savoir. Il restait muet. Je me suis obstiné davantage. À la fin, il m'a répondu « Je te le dirai quand le moment sera venu. » Je n'ai rien pu obtenir de plus. Certainement, il s'agit de Harga, un terme populaire récent désignant l'émigration clandestine. « A-t-il de l'argent pour le voyage ?» questionne Karim. « Je ne vois pas comment, » répond Zara. Silafid intervient, s'adressant à elle. « Est-ce que ton jeune frère a des amis ou fait-il partie d'une bande de jeunes comme lui ?»« Je l'ignore. » C'est possible, mais il n'en a jamais parlé. Il serait utile d'enquêter pour le savoir, conseille le vieillard. L'important est de vérifier s'il ne fait pas partie d'une bande de voleurs. J'ai évoqué cela avec lui un soir, dit Zara. Il m'a répondu, si je voulais être un voleur, je ne me contenterai pas de prendre quelque chose aux petites gens pour finir en prison. Je choisirais d'être un grand voleur de milliards en ayant des relations avec les personnes qui comptent dans la Hukuma, dans l'administration étatique. Alors ce ne serait pas la prison, au contraire, les médailles. Je suis encore trop jeune pour y penser. Il faut cependant, insiste Sylaphide, trouver le moyen de découvrir les personnes que ton frère fréquente. Seulement ainsi son secret sera découvert.